السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé de ses nombreux bienfaits. Certains, nous les connaissons, certains, nous les ignorons. Mais ce sur quoi il n'y a aucun doute, c'est qu'ils sont indénombrables. Allah nous dit dans Sourate Ibrahim, « وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا » Et si vous dénombrez, si vous essayez de comptabiliser les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez le faire. Vous ne pourrez le faire. Et sans aucun doute, le plus grand bienfait par lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés, c'est l'islam. C'est cette religion de droiture, cette religion parfaite et complète, cette religion qui a été agréée par Allah subhanahu wa ta'ala, cette religion dans laquelle nous adorons une divinité unique, Allah le Seigneur des mondes, le Créateur des cieux et de la terre, le grand pourvoyeur. Le miséricordieux, le très miséricordieux, qui s'est élevé au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala. Parmi les plus grands bienfaits par lesquels Allah nous a comblés, l'a guidé à l'islam. La révélation du Coran, l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en tant que miséricorde pour les mondes. Il nous dit dans son livre, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Un des grands bienfaits d'Allah Azza wa Jal, le fait qu'il nous légifère des moments qu'il bénit pour nous. C'est-à-dire des moments dans lesquels l'adoration comprend et contient plus de mérite. Des moments dans lesquels on peut se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des périodes à travers lesquelles le serviteur ajoute à ses adorations habituelles. Il fait plus d'efforts pour se rapprocher davantage de son Seigneur. Parmi ces moments, il y a le mois de Ramadan, mais plus particulièrement les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Ce sont les meilleures nuits de toute l'année. Tout comme le mois de Ramadan est le meilleur mois de toute l'année. Et tout comme les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijja sont les meilleurs jours de l'année. Les 10 dernières nuits du mois de Ramadan sont les meilleures nuits de toute l'année. Et cela est notre sujet. Quant à l'explication de Sourate Al-Fatiha, nous la repoussons. Incha'Allah ta'ala, elle aura lieu après demain, je pense. Donc, parlons de Fadlul Ashr al-Akhira, le mérite des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Le grand savant Muhammad ibn Salih ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit dans Majalis au Shahr Ramadan, Ikhwani, mes chers frères, qad nazala bikum ashr Ramadan al-Akhira. فيها الخيرات والأجور الكثيرة فيها الفضائل المشهورة والخصائص المذكورة. Nous sommes ou est descendu sur vous les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Dans celles-ci, il y a le bien et les énormes récompenses, la multitude de récompenses et de bienfaits connu et particulier. فمن خصائصها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد بالعمل فيها أكثر من غيرها. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وفي الصحيحين عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله وفي المسند عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا كان العشر سمر شمر وشد مئزرة أو وشد المئزر. Parmi les particularités des 10 dernières nuits du mois de Ramadan, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam redouble d'efforts dans ces 10 dernières nuits. Il faisait plus d'efforts dans l'adoration d'Allah durant ces 10 dernières nuits que durant les 20 premières nuits de Ramadan et durant les autres jours de l'année. Dans le recueil de l'imam muslim, Aïcha radiallahu anha nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des efforts dans les 10 dernières nuits qu'il ne faisait pas dans d'autres moments. Dans le recueil de Bukhari muslim, toujours selon Aïcha radiallahu anha, lorsque les 10 dernières nuits entraient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam resserrait son pagne et faisait vivre cette nuit et réveillait ses épouses. Et dans le Musnad de l'imam Ahmed, rahimahullah, toujours selon Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam joignait ou unissait dans les 20 premières nuits entre la prière et le sommeil. C'est-à-dire qu'il priait une partie, il dormait une partie. Mais une fois entré dans les 10 dernières nuits, il se serrait le pagne. Et redoublait d'efforts. Dans ces récits prophétiques, il y a la preuve du mérite tout particulier des 10 dernières nuits. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam fournissait des efforts particuliers qu'il ne fournissait pas en dehors de ces 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et lorsque nous disons qu'il fournissait des efforts, c'est-à-dire dans diverses adorations, la prière, la lecture du Coran, l'évocation d'Allah, as-sadaqa, les aumônes, et d'autres adorations encore. Ibn Uthaymin nous explique ce que signifie yashuddu mi'zara. Il se serrait le pagne. Ya'ni ya'tazilu nisa'ahu liyatafarra lis-salati wa-dhikri. C'est-à-dire qu'il s'éloignait de ses épouses. Il n'avait pas de rapport avec ses épouses. Pourquoi ? Pour se décharger dans la prière, pour se concentrer, pour se consacrer exclusivement à l'adoration d'Allah, en prière, en dhikr. C'est-à-dire qu'il disait « Subhanallah, Alhamdulillah » et ainsi de suite, des bonnes paroles et « Mashallah, Azza wa Jal ». لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليله بالقيام والقراءة والذكر بقلبه ولسانه وجوارحه لشرف هذه الليالي وطلبا لليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. Il se consacrait à l'adoration d'Allah Azza wa Jal et il faisait vivre sa nuit, c'est-à-dire qu'il la passait en adoration, en prière, lecture du Coran, mention d'Allah. Il évoquait Allah, que ce soit avec son cœur, avec sa langue, avec ses membres, de par la noblesse de ses nuits, à la recherche de la nuit du destin, qu'on peut traduire aussi par la nuit de la grande valeur. La nuit de la grande valeur. Donc, pourquoi est-ce qu'il faisait tous ces efforts ? Afin d'être en état d'adoration durant la nuit de la grande valeur, la nuit du destin. Cette nuit au sujet de laquelle il nous dit « Celui qui prie la nuit de la grande valeur, la nuit du destin, avec foi et espoir, se verra pardonner l'ensemble de ses péchés passés. » Allah lui pardonne ses péchés passés. Subhanallah. Et ce qui apparaît dans le hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait toute sa nuit dans l'adoration de son Seigneur. En faisant du dhikr, le fait de faire du dhikr, c'est-à-dire de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala, sa grandeur, sa noblesse, sa perfection. et autres. Par la lecture, dans la lecture du Coran, dans la prière. Et il prenait des forces pour faire tout cela en prenant le sahur, en mangeant le repas de la fin de la nuit. Ibn Athaymin détaille cela pour répondre à une problématique qui est وبهذا يحصل الجمع بينه وبين ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما أعلم صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح. Ainsi, on peut répondre à une problématique qui est comment unir entre ces textes-là, qui nous montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adoré Allah toute la nuit, et le hadith dans Sahih Muslim selon Aïcha, que on n'a pas connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam ayant prié toute la nuit jusqu'au matin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais passé sa nuit en prière jusqu'au matin. Donc d'un côté on nous dit qu'il passait toute la nuit dans l'adoration de son Seigneur, et d'un autre côté on nous dit qu'il n'a jamais passé toute la nuit en prière jusqu'au matin. Ibn Athaymin nous dit, c'est-à-dire qu'il mêlait diverses adorations. Il s'adonnait à diverses adorations. La prière, la lecture du Coran, les dua, les vocations d'Allah, et ainsi de suite. Donc la prière n'occupait pas toute la nuit jusqu'au matin, même si elle occupait une grande part. Barakallahu fikum. ومما يدل على فضيلة العشر من هذه الأحاديث. Donc le premier point qui nous montre le mérite de ces 10 dernières nuits, le fait que le prophète عليه الصلاة والسلام faisait plus d'efforts dans l'adoration d'Allah عز وجل et ne dormait pas. Deuxièmement, كان يوقظ أهله فيها للصلاة والذكر حرصا على اغتنام هذه الليالي المباركة بما هي جديرة به من العبادة فإنها فرصة العمر وغنيمة لمن وفقه الله عز وجل فلا ينبغي للمؤمن العاقل أن يفوت هذه الفرصة الثمينة على نفسه وأهله فما هي إلا ليال معدودة ربما يدرك الإنسان فيها نفحة من نفحات المولى فتكون سعادة له في الدنيا والآخرة. Parmi ce qui nous montre le mérite de ces 10 dernières nuits, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam réveillait sa famille, c'est-à-dire ses épouses, pour la prière, pour l'évocation d'Allah, tout cela pour qu'il saisisse cette grande opportunité, ce grand butin durant ces nuits bénies. Durant ces nuits bénies, Ibn Athaymin nous dit même, c'est l'occasion de la vie. C'est l'occasion de la vie, une occasion en or pour ta propre personne, pour ta famille. Ce sont des nuits déterminées. Quelques nuits seulement, 10. Et il se peut que tu te retrouves dans un moment d'adoration dans ces 10 dernières nuits où Allah Azza wa Jal décrète sa grâce pour celui qui se trouvera en adoration. Ainsi, tu pourras jouir de ses bienfaits jusqu'au jour dernier. Si Allah Azza wa Jal décrète que tel à tel moment, celui qui est en prière, celui qui est en train de l'adorer, il lui donne son agrément. Vous imaginez? Il lui donne sa satisfaction. Il lui donne la bénédiction. Sans aucun doute, voici l'énorme succès. Voici l'énorme succès. Celui-ci sera heureux dans son bas monde et l'au-delà. Wa innahu la min al-hirman al-azim wal khasarat al-fadiha an tara kathiran min al-muslimin yumduna hadhihi al-awqat al-thamina هذه الأوقات الثمينة الثمينة فيما لا ينفعهم، ويسهرون معظم الليل في اللهو والباطل، فإذا جاء وقت القيام ناموا عنه وفوتوا على أنفسهم خيرا كثيرا لعلهم لا يدركونه بعد عامهم هذا أبدا. Ibn Hussein rahimahullah ta'ala s'attriste grandement de la situation de certains musulmans en nous disant fait partie de l'immense privation et de la perte honteuse, de la perte et de la ruine honteuse que de voir beaucoup parmi les musulmans passer ce temps précieux dans ce qui ne leur est pas profitable. Ils perdent leur temps dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Ils passent la plupart des nuits de ces 10 dernières nuits de Ramadan dans les futilités et les amusements. Puis, une fois que l'heure de la prière arrive, ils dorment. Donc ils perdent leur temps dans la nuit. Arrivés au Fajr, ils ne le prient pas, ils ne prient pas le witr, ils ne se prosternent pas durant cette nuit. Oh, quelle perte! Arrivé le moment du Fajr, ils s'endorment avant et ratent la prière du Fajr. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Puisse Allah Azza wa Jal nous pardonner, nous préserver, afin qu'on ne fasse pas partie de ces grands perdants. Donc une fois l'heure de la prière, Mada arrivé, il dorment. Ibn Athaymin, lui, lorsqu'il mentionne l'heure de la prière, il parle de Qiyam ul-Layl, il parle de la prière de nuit. Moi, j'ai cité l'exemple de la prière du Fajr, l'exemple mentionné, ce qui est mentionné plutôt par Ibn Athaymin, rahimahullah ta'ala, est le fait de prier la nuit. Ils ne le font pas, ils dorment. Ainsi, ils perdent pour eux-mêmes, ils privent leur propre personne d'un bien incommensurable et de récompenses inestimables. Et probablement, et on craint qu'ils ne puissent plus jamais rattraper cela, ni agir dans ce sens-là les années à venir. En effet, il se peut qu'Allah Azza wa Jal récupère l'âme du serviteur. Il se peut que le serviteur tombe malade, il se peut qu'il soit occupé, il se peut qu'il n'ait plus la même capacité et occasion de se rapprocher de son Seigneur dans le mois de Ramadan ou les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Donc on ne sait pas de quoi demain sera fait. Il nous faut saisir ces occasions-là. Il nous faut saisir ces occasions-là et faire un programme et réunir les gens de la famille et s'entraider dans ce bien-là. Et encourager nos proches, encourager les musulmans, afin qu'il n'y ait pas parmi nous de perdants. Wallahu al-musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah, tout en s'aidant d'Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, auprès de toi seul que nous recherchons l'aide. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Et le prophète alayhi salat wa salam nous dit: sois déterminé dans ce qui t'est profitable et cherche l'aide auprès d'Allah et ne te décourage pas. Et ne te décourage pas. Donc voici le moment d'agir. Toute ta vie tu agis. Toute l'année tu agis. Durant l'ensemble des mois tu agis. Mais les 10 dernières nuits du mois de Ramadan sont les meilleures de toute l'année. Sont les meilleures de toute l'année. Et il est triste de voir des hommes forts, en bonne santé, faire du sport toute l'année. Certains sont même inscrits dans des salles. Certains sont même inscrits dans des salles. Na'am. Et certains sont très forts physiquement, sont peut-être même redoutés par des personnes innocentes. Na'am. Mais au moment où la vraie force doit être manifestée, tu vois que ce dernier est plus faible que la grand-mère qui prie sur sa chaise, touchée par la vieillesse et la maladie. Elle ne rate pas l'occasion de se rapprocher de son Seigneur. Il est plus faible que la femme enceinte qui prie debout et lorsqu'elle faiblit, elle prend une chaise. Il est plus faible que l'enfant qui n'a pas encore l'obligation de prier, mais qui demande à ses parents, est-ce qu'il peut prier avec eux salat al-tarawih? Allahu Akbar. Il est plus faible que l'handicapé qui n'a qu'une jambe. Na'am. Qui n'a qu'une jambe. Ou bien que le malade. Ou bien que le malade. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Ne perdez pas ces instants-là. Ne perdez pas cette occasion-là. Peut-être qu'elle ne reviendra jamais. Peut-être qu'elle ne reviendra jamais. Et celui qui méprise les bienfaits d'Allah azza wa jalla, Allah les lui retire. Et celui qui les honore et se montre reconnaissant, Allah azza wa jalla les lui bénit, les maintient et lui ajoute. Et lui ajoute. Donc, on doit saisir cette occasion. وهذا من تلاعب الشيطان بهم. Ibn Uthaymin nous dit que cela fait partie des, yani c'est Shaitan qui joue avec eux. C'est le diable qui se joue d'eux et qui joue avec eux. Il les occupe, puis les distrait de la prière. Les distrait de la prière. Ensuite, ils vont dormir. Ils ratent Qiyam al-Layl. Il se peut que tu sois trop fatigué une nuit. Ça arrive à tout le monde. Mais prie un minimum. Fais 2, 4. Fais le witr. Et récite Al-Fatiha avec Qulhu Allahu Ahad. Fais un minimum. Fais un minimum. Ou repose-toi et réveille-toi à la fin de la nuit. Si tu es presque sûr de toi, réveille-toi à la fin de la nuit. Même 15 minutes, même 20 minutes. Barakallahu fikum. Al-Muhim, ce qui compte, on fait plus que d'habitude. On fait autant que possible. On demande l'aide à Allah Azza wa Jal. Et Wallahi, que le serviteur faible peut être étonné de ce qu'il peut voir de son épouse, de ses enfants, de son frère, de sa sœur, de son père, de sa mère, dans le mois de Ramadan. Pour pas dire s'étonner de sa propre personne. Allah Azza wa Jal accorde une force particulière, à force une assistante particulière à ceux qui sont véridiques. Et ils réussissent à réciter bien plus que ce qu'ils pourraient. Ils réussissent à tenir debout bien plus que ce qu'ils pensaient pouvoir faire. Wallah al-musta'an. Et celui qui fait des efforts vers Allah, Allah lui accordera la réussite. Walladina jahadu fina. Walladina jahadu fina. Lanahdiyannahum subulana. Wa inna Allah la ma'al muhsinin. Ceux qui font des efforts vers nous, nous les guiderons sur nos sentiers. Et certes, Allah est qu'il est bienfaisant. Écoutez la parole dans Surat al-Hijr. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawin. Allah Azza wa Jal dit au diable qu'il n'a aucun pouvoir sur ses serviteurs. Les serviteurs d'Allah, les vrais serviteurs d'Allah, al-Shaytan n'a aucun pouvoir sur eux. Exception faite de ceux qui le suivront, de ceux qui le suivent parmi les égarés. Et celui qui est doué d'intelligence, comment est-ce qu'il pourrait prendre pour allier son ennemi déclaré al-Shaytan? Dans Surat al-Kahf, Allah nous dit: Afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Allez-vous le prendre lui et sa descendance en tant qu'allié en dehors de moi, en dehors d'Allah? Alors qu'ils sont pour vous des ennemis. Subhanallah. Quel mauvais échange commis par ces injustes. Et dans Surat Fatir, inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Certes, le shaytan, le diable, est pour vous un ennemi. Prenez-le comme un ennemi. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Il ne fait qu'appeler son parti à faire partie des habitants de la fournaise. La troisième particularité des 10 dernières nuits du mois de Ramadan, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana ya'takifu fiha. Le prophète sallam faisait la retraite spirituelle, c'est-à-dire qu'il restait à la mosquée pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une sunna mentionnée dans le livre d'Allah. وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ dans Surat al-Baqarah, et mentionnant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam également. L'i'tikaf, c'est le zoom ou le masjid. L'ittafarrug li ta'atillahi azza wa jal. Rester à la mosquée pour se consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et son obéissance. Allah azza wa jal nous dit dans le Coran, sur la traduction des sens de ce verset, et n'ayez pas de contact charnel avec elle alors que vous êtes en i'tikaf dans la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait al-i'tikaf. Et ses compagnons après lui ont fait al-i'tikaf. Dans le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, i'tikaf al-ashr al-awwal min Ramadan, thumma i'tikaf al-ashr al-awsat, thumma qal, inni i'tikaf al-ashr al-awwal al-tamisu hadhi al-layla. ثم اعتكف العشر الأوسط ثم أوتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. الحديث رواه مسلم. Le prophète عليه الصلاة والسلام a fait la retraite spirituelle les 10 premières nuits du mois de Ramadan, puis a fait les 10 nuits du milieu du mois de Ramadan, puis a dit: j'ai fait la retraite spirituelle en recherchant cette nuit, c'est-à-dire Laylatul Qadr, la nuit de la grande valeur, la nuit de la destinée. Puis les 10 du milieu. Puis on m'est venu et on m'a informé qu'elle se trouvait dans les 10 dernières nuits. فَمَنَا حَبَّ مِنْكُمْ يَعْتَكِفَ فَلِيَعْتَكِفَ. Celui donc qui parmi vous souhaite faire la retraite spirituelle, qu'il la fasse. Dans le recueil Bukhari Muslim, Aïcha radiallahu anha nous dit: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده. عائشة رضي الله عنها nous dit que le prophète عليه الصلاة والسلام a fait la retraite spirituelle les 10 dernières nuits du mois de Ramadan jusqu'à ce qu'Allah عز وجل le fasse mourir. Puis ses épouses en firent de même après lui. Dans le recueil de Bukhari également, elle nous dit: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام. وسلم faisait اعتكاف 10 nuits chaque année lorsque Ramadan venait. فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. Mais l'année dans laquelle son âme fut reprise, il a fait l'i'tikaf 20 jours. Et le moment dans lequel commençait le prophète alayhi salatu wasalam l'i'tikaf, c'était après la prière du Fajr. Aïcha radiallahu anha, et vous avez entendu son prénom de nombreuses fois, et ça, ça nous montre le mérite des épouses du prophète alayhi salatu wasalam, car elles nous ont rapporté beaucoup de science, particulièrement Aïcha radiallahu anha. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه فاستأذنت هو عائشة فأذن لها فضربت لها خباء وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت فضربت خباء فلما رأت ذلك زينب أمرت بخباء فضرب لها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أخبيه قال ما هذا قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب قال النبي صلى الله عليه وسلم آل بر أردنا بهذا انزعوها فلا أراها. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il souhaitait faire l'i'tikaf priait la prière du Fajr, ensuite il rentrait dans sa place particulière pour faire l'i'tikaf. Alors après cela, Aïcha lui a demandé la permission d'en faire de même, il lui accorda. Lorsque Hafsa vit cela, elle demanda à Aïcha de demander la permission au prophète sallam. Elle en fit de même, c'est-à-dire comme mettre une espèce de tente à la mosquée, une place. Aïcha, puis Hafsa, puis Zaynab ordonna ce qu'on lui fasse également cela. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam vit cela, il dit: qu'est-ce que cela? On lui dit: les tentes ou les places de Aïcha, Hafsa et Zainab, radiallahu anhum. Il a donc dit: c'est le bien qu'elle recherche à travers cela. Est-ce le bien qu'elle recherche à travers cela? Enlevez-moi tout ça. Je ne veux plus voir cela. Je ne veux plus voir cela. Par la suite, on enleva tout cela et elles délaissèrent le al-i'tikaf pour Ramadan. Mais elles ont fait cela dans le mois de Shawwal, dans les 10 premiers jours du mois de Shawwal. Comme on trouve ça dans le Bukhari et Muslim, dans différentes variantes de ces hadiths. L'imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, ce grand imam de la sunna, cet imam nous dit « La a'lamu min ahadin min al-ulama khilafan anna li'tikafa masnoun » Je ne connais aucune divergence chez les savants quant au fait que la retraite spirituelle soit légiférée et recommandée. Et ce qui est voulu par la retraite spirituelle, c'est de se couper de ce bas monde pour se concentrer sur l'adoration d'Allah Azza wa Jal dans une mosquée. Pour atteindre Laylatul Qadr en adoration, pour ne pas manquer cette occasion. C'est pour cela que celui qui fait l'i'tikaf doit se concentrer sur la lecture du Coran, le dhikr, la prière, les adorations, et s'éloigner de tout ce qui l'occupe parmi les choses de cette dunya dont il peut se passer. Si ce n'est un minimum de choses permises, surtout s'il y a un besoin. Par exemple, Safiya, l'épouse du prophète, la mère des croyants, nous dit que le prophète est en i'tikaf, elle lui venait, elle le visitait, il lui parlait un peu, puis elle se levait, et elle rentrait chez elle. Naam, jusqu'à la fin du hadith. Et en i'tikaf, il y a des choses qui sont interdites, comme tout ce qui concerne les rapports avec les femmes, que ce soit les préliminaires ou que ce soit le rapport au sens propre. Quant à la sortie de la mosquée, ça dépend. S'il a un besoin qu'il ne peut accomplir à l'intérieur de la mosquée, comme faire ses besoins, comme aller prendre à manger, naam, ceci lui est permis. Ceci lui est permis. Le prophète sortait sa tête de la mosquée. Aïcha nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam yakhruj ra'sahu min al-masjid wa huwa mu'takifun. Elle nous dit, sortez sa tête de la mosquée alors qu'il est en état d'i'tikaf. Elle dit, je lui lavais la tête. Naam. Wa ana ha'id, alors que j'étais en état de menstrues. Même pendant les menstrues, le prophète avait le meilleur des comportements envers ses épouses. Ibn Athir nous dit que ça, il y a trois situations, donc trois jugements pour celui qui sort de la mosquée. Le premier cas, c'est indispensable qu'il sorte, comme pour faire ses besoins, comme pour se laver parce qu'il est en état de janaba, comme pour manger et boire. Il dit tout cela est permis. Dans le cas, il ne peut pas faire cela à la mosquée. Il n'y a pas à manger. Il n'y a pas d'endroit pour aller aux toilettes et se laver, ainsi de suite. Dans le cas où il n'a pas le droit de sortir. Le deuxième cas, le fait de sortir pour faire une adoration, comme visiter un malade, comme prier sur un mort, et ainsi de suite. Cela, il n'a pas le droit de le faire s'il est en état d'i'tikaf, sauf s'il a émis la condition avant d'y entrer. Le troisième cas, c'est sortir pour une chose qui contredit l'i'tikaf. Comme pour acheter quelque chose, vendre quelque chose, faire du commerce, avoir des rapports avec l'épouse ou les préliminaires, tout cela n'est pas permis. Qu'il ait mis la condition avant d'entrer en i'tikaf ou non, tout cela annule l'i'tikaf. Une autre particularité des 10 dernières nuits du mois de Ramadan, le fait qu'il y ait Laylatul Qadr. Et qui te dira ce qu'est Laylatul Qadr? La nuit de la grande valeur, la nuit de la destinée, la nuit au sujet de laquelle Allah nous dit dans le Coran, khayrun min alfi shahr, elle est meilleure que 1000 mois. Elle est meilleure que 1000 mois. Donc, on doit connaître sa valeur, qu'Allah vous fasse miséricorde. Et on ne doit pas perdre ces moments-là. afin de pouvoir se rapprocher d'Allah Azza wa Jal autant que possible. Et son bien est évident et connu dans les textes. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder l'aide et l'assistance afin de pouvoir atteindre Laylatul Qadr, afin de pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il lui plaira en cette nuit-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Sourate Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin. Nous l'avons certes fait descendre nous l'avons certes fait descendre durant une nuit bénie. Durant une nuit bénie. Quelle est cette nuit? C'est Laylatul Qadr. Qu'est-ce qui a été révélé, descendu? C'est-à-dire Al-Qur'an. C'est-à-dire Al-Qur'an. Nous sommes en vérité celui qui avertit. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna mundhirin fiha yufrahu kullu amrin hakim. Amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu huwa as-sami'ul 'alim rabbis samawati wal ardi wama baynahuma in kuntum muqinin la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit rabbukum wa rabbu aba'ikum al-awwalin. Durant laquelle est décidé tout ordre sage, c'est là un commandement venant de nous, c'est nous qui envoyons, c'est-à-dire les messagers, à titre de miséricorde de la part de ton Seigneur. Car c'est lui l'audient, l'omniscient, Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre les deux. Si seulement vous pouviez en avoir la conviction, point de divinité, d'y n'être adoré à part lui, il donne la vie et la mort. Il est votre Seigneur et le Seigneur de vos premiers ancêtres. Donc ça c'est la nuit de Laylatul Qadr, la nuit de la grande valeur. La nuit durant laquelle le Coran a été révélé. C'est une nuit bénie. De par les nombreuses adorations des serviteurs d'Allah Azza wa Jal, une nuit bénie parce que le Coran a été révélé durant cette nuit-là, une nuit bénie parce que les gens font beaucoup d'efforts et passent leur temps dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour finir, Allah Azza wa Jal nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadri khayru min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Nous l'avons certes fait descendre, c'est-à-dire le Coran, pendant la nuit de Al-Qadr, de la grande valeur, de la destinée. Et qui te dira ce qu'est la nuit de Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, c'est-à-dire Jibril alayhi salam, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. On détaillera, inshallah ta'ala, ce sujet de Laylatul Qadr dans une prochaine intervention. Inshallah ta'ala. Wallahu a'lam. Wa sallallahumma wa barak ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc, prochainement, inshallah ta'ala, on étudiera sur le mérite à nouveau des 10 dernières nuits, particulièrement de Laylatul Qadr et ce qu'il convient de faire de manière détaillée durant ces 10 dernières nuits. En outre, on étudiera le tafsir, inshallah ta'ala, de Suratul Fatiha, et également les 20 moyens mentionnés par Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala pour réussir à délaisser les péchés et les abandonner. Car il ne faut pas sortir du mois de Ramadan alourdi avec les péchés. Naam, il faut l'utiliser pour blanchir ses feuillets de péchés et reprendre un nouveau départ bi'idhnillahi azza wa jal dans l'adoration et la droiture sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Nous avons reçu un mail qu'on m'a transféré sur le site La Voix Droite. Il me semble que c'est une sœur, puisse Allah Azza wa Jal l'a récompensée en bien. Je disais auparavant le mot scribe pour ceux qui notaient, à savoir les anges. Et on m'a donc corrigé, ce n'est pas scribe, mais scribe. Et moi, je disais scribe. C'était donc une erreur. Puisse Allah Azza wa Jal récompenser toute personne qui m'apportera correction, que ce soit dans des fautes de français, que ce soit dans des fautes d'arabe, que ce soit dans des fautes dans la religion, des fautes de comportement. Qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne et nous améliore. Wallahu al-musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nous remercions également tous les donateurs qui, comme on le voit, sont nombreux, et ceux qui sont venus sur la chaîne Telegram Mohsenoun. Beaucoup de bien a été fait. Je reçois régulièrement les remerciements et les invocations des différentes familles. Et il reste encore beaucoup de travail. Et on essaye de faire ce qu'Allah Azza wa Jal nous facilitera. On reçoit les images de notre frère Abdul Karim de Guinée-Conakry. Hier soir encore, ils ont distribué. On mettra en ligne, Inch'Allah Ta'ala, d'ici peu, sur le site. Il y a l'argent qui est parvenu au Mali. Donc la distribution, les achats et la distribution vont avoir lieu, Inch'Allah Ta'ala. Mada, Barakallahu Fikum, au Ghana également. Nous avons envoyé de vos dons au Ghana. Et le frère a très bien travaillé. Inch'Allah Khair, en a acheté. Et on mettra également cela sur le site. Et pour finir, à partir d'aujourd'hui, nous allons récolter pour le Togo. Inch'Allah Ta'ala. Je n'oublie pas la Mauritanie également. Les frères travaillent là-bas. Et Mada, au Togo, nous allons commencer au Togo. On a notre frère Abdul Aziz, très actif là-bas. Habituellement, vos dons servent à nourrir des jeûneurs. Ils se déplacent de village en village. Mais suite au Covid-19, il n'a pas pu réaliser cela cette année. Walhamdulillahi ala kulli hal. Ainsi, on va envoyer, ils vont faire des colis alimentaires. Jazakumullahu khayran. Ceux qui veulent participer, on peut vous donner les coordonnées du frère. Il suffit tout simplement de lui envoyer par Western Union ou autre. Naam, barakallahu fikum. C'est donc l'action que nous allons mener cette semaine. Jazakumullahu khayran. Prochainement, on communiquera également sur les puits. On ne peut pas tout mettre d'un coup, ni on ne veut perturber les gens en mettant trop d'informations différentes. Donc, on les mettra au fur et à mesure. Allah récompense aussi ceux qui me contactent pour faire des puits. On les fait petit à petit, alhamdulillah. Il y en a deux qui sont actuellement en cours et un qui vient d'être fini. Il y a le maire d'une grande ville qui m'a contacté pour vous remercier. D'une grande ville de Mauritanie. Fajazakumullahu khayran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.